Là, c'est qui? Rictam Eskazi. Zorba. Zorba, d'accord. Eskazi. Ah, je suis sûr, ça c'est vrai ce que tu dis. Ouais. On a vu ça sur internet. Justement, dans le... sur le truc, le scarabée. Thank you. 7 en fait. Ils sont pas français, c'est les Allemands. Alors par contre, excuse-moi, je suis désolée, j'ai pas fait ton prénom. Bertrand. Alors. Ouais, non, ça va être trop compliqué. Eh, tu viens d'où? Thank you. unlike anything we know. Thank you. Yeah.